ça. Pour qu'il nous paie pas aimer nous, même si la mer sépare nous, moi c'est laissé. Pour qui ça? Un jour fallait ça que changer. Qui ou qui moins qui lit pour nous approcher nous. Qu'est-ce que ça qu'a passé dans le bon? Tout talent tout yo c'est la tienne des ans depuis la misère. Pas moins serré la main pour mon père. Parler, baou. Parler, baou. Songez au chat et nous ensemble. Je dis là nous différents, mais moi les. Parler, baou. Chalet, menel, yo menel. Chalet, yo chalet, nous la.